Dans quelques minutes, c'est ADN que vous retrouverez pour une session Retro House suivie de Michael H pour la session Trans Sly et Arthur seront les suivants, hein, Mandré. Et aussi, n'oubliez pas, ce soir, Guillaume de Baskerville avec la session Prélude et ça sera le numéro 189. Et vers 23h, vous redécouvrirez Sick pour une session hardcore. On vous souhaite bien sûr de passer une excellente après-midi à l'écoute de Galaxy. Dans deux petites minutes, c'est ADN que vous retrouverez, mais voici tout de suite Aquaplex pour terminer cette émission. Souvenir pour terminer cette émission. Il est arrivé dans les studios en pleine forme. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Voici tout de suite ADN. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de cette année 2007 avec une émission qui commencera à 9h du matin jusqu'à midi avec une spéciale rétro. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute de Galaxy et un bon réveillon de Noël. Arrête tout et écoute. Il n'y a pas d'autre Galaxy comme Galaxy. C'est pas très joli joli, hein, de se moquer de Fun Radio, de Skyrock et d'Energy, parce que eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être aussi bien que vous. Oh, vous êtes vraiment super, je vous adore. Galaxy, c'est génial, je m'excite rien qu'à vous entendre. Je vous adore. Ah oui, Galaxy, j'adore. Galaxy, 95.3, I like it. Galaxy, welcome. The one and the only dance for you. Ah oui, Galaxy, j'adore ça. La radio des gens branchés. Galaxy. Galaxy. Colombia's Amazon Basin has become a production center for the country's biggest illegal export port, cocaine. Cocaine. All I ever dreamed of. All I ever wanted. Okay. All I ever need. Galaxy, make it. Okay. Noche en el parque, son muy afortunados. Van paseando y sueñan caramelos. A pesos sin dinero, los niños y las niñas. Parque. Galaxy. We'll be right back. Christmas on Galaxy. Joyeux Noël. Oh, This music is entirely intentional. This music is entirely intentional. Music is entirely intentional. Merry Christmas on Galaxy. sur Galaxy. Language of passionate pleading. On my knees, I beg you to turn away from the path of violence and to return to the ways of peace. You may claim to seek justice.

Galaxy.

Christmas on Galaxy. Joyeux Noël, Disney. Look, sur Galaxy. ADN, ADN. We'll be right back. Galaxy. dick dick dick dick dick dick dick man, dick dick man, dick dick dick dick dick dick dick dick man, dick dick man. Thank you. Agenda avec trois infos en ces fêtes de fin d'année. Tout d'abord, l'opération organisée par la Croix-Rouge française Un enfant, un jouet, un sourire qui se poursuit jusqu'au 31 décembre avec la collaboration des grandes surfaces de la région. Vous pouvez notamment déposer vos jouets et vos cadeaux dans les caddies situés à l'entrée des magasins. Ces magasins, pour les connaître, eh bien, vous pouvez appeler directement le 03 20 02 81 72. La culture à l'honneur en cette fin d'année. Exposition Passage du temps, c'est ce qui vous permet de retrouver quelques grands moments qui avaient marqué l'année dernière le succès de Bon Baiser à Lille. Cette exposition, c'est au Tripostal jusqu'au 1er janvier et vous pourrez y retrouver beaucoup d'œuvres de 39 artistes, des œuvres qui ont été réalisées depuis les années 70. Pour tous les renseignements, vous allez directement sur le site internet www.lille3000.com. Enfin, exposition Les déserts racontent la Terre jusqu'au 2 mars 2008. C'est au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Il s'agit d'un voyage aux confins des terres arides qui vous dépaysera certainement. Là, les informations sont disponibles au 03 20 19 36 36. Galaxy.